بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 141 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan, Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc on expliquait au dernier cours différents sujets qui ont rapport avec les karamat et des awliya. Et on a expliqué justement que yani, lorsque quelqu'un il est un wali d'Allah, il faut qu'il fasse les actes des salihin. Et si quelqu'un fait les actes des criminels, on ne peut pas penser que ce qu'il fait c'est quelque chose qui a un lien avec l'awliya ou que c'est une karama, qu'est-ce qu'il fait. On a parlé au dernier cours des gens qui, parmi les zanadiqa, parmi les gens de bid'a, comme l'imam Shafi'i les a appelés, zanadiqa, ceux qui font at-tarbir, c'est-à-dire qui utilisent des instruments de musique et qui chantent au nom du dhikr, comme s'ils prétendent faire le dhikr, en utilisant des chants ou en utilisant des instruments. On a expliqué que ça, c'est de l'égarement, c'est une bid'a. Et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples de ça à notre époque. Et alhamdoulilah, c'est les musulmans qui sont sur la voie des salafs et sur la compréhension des salafs, ils comprennent que ces choses-là sont des égarements et des hérésies. Alhamdoulilah. Donc, on continue. Le cheikh, il explique maintenant, il dit... وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادة ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. Donc il explique le cheikh les catégories maintenant des différentes formes de karamat et des choses hors de l'ordinaire ou extraordinaire qui peuvent se produire de la part d'une personne. Donc ça, le cheikh Ibn Taymiyyah, il explique que ça peut être de différentes catégories dans différents domaines. Et donc, par exemple, parmi les choses extraordinaires ou les choses surnaturelles que des gens peuvent faire parfois, il y en a qui ont rapport avec des connaissances qui leur sont dévoilées. C'est-à-dire des connaissances de certaines choses qui leur sont dévoilées par, par exemple, l'intuition, une intuition qu'ils ont par rapport à quelque chose, un pressentiment qu'ils ont par rapport à quelque chose, qu'ils arrivent à déduire. Il y a des gens qui sont très forts comme ça. Qui arrive à déduire des choses, comprendre des choses, faire des liens entre des choses, analyser les situations, et ils ont une intuition très forte. Ça fait partie des karamat. Parmi les exemples, il y a aussi des choses qui sont reliées à la capacité, à la force, ou à la possession, à la propriété. La façon comment certaines personnes sont capables de gérer ou de faire certaines choses qui sont hors de l'ordinaire. Il y en a d'autres, une autre catégorie qui concerne les choses qui ont rapport avec le fait d'avoir de la science, de l'autorité, de l'argent ou du pouvoir ou de la richesse, des choses de ce genre. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là. Il dit « Al-Khawariq minha ma huwa » منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفراسة التي يعطيها الله لبعض عباده هذا نوع من العلم يعطيه الله العبد فيكون عنده قوة الفراسة والاستنباط والاستدلال وهذا من كرامات الله عز وجل وهو نوع من العلم ولكن هذا العلم لا يحصل بالتعلم وإنما هو شيء يلقيه الله في العبد وهو نتيجة لطاعة الله ورسوله ومعرفة الله عز وجل فيكون من الفرقان يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني فرقانا تفرقون به وتمييزا تميزون به بين الحق والباطل والضار والنافع وبين الهدى والضلال والكفر والإيمان. وهذا من أعظم أنواع العلم الفرقان الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Donc le cheikh il explique que parmi les choses surnaturelles que quelqu'un peut avoir, ou les dons surnaturels ou extraordinaires que quelqu'un peut avoir, qui rentrent dans les karamates, il y en a qui sont reliés à la science ou à la connaissance. Et parmi ces choses-là, il y a les choses qui peuvent être parfois dévoilées, ou qui font partie des choses qui sont dévoilées à certaines personnes par rapport à l'intuition que Allah leur donne. Hein? Allah, il donne à certains serviteurs une intuition par rapport à certaines choses. Ils ont parfois un pressentiment à propos de quelque chose. Et ça, c'est une science que Allah donne hein, aux serviteurs, la force qu'il a, par exemple, de déduction, d'analyse, hein, ou la façon qu'il a pour ramener les arguments et les preuves lorsqu'il veut établir un point ou une question dans la religion. Hein. Il y a des ulama qui sont plus forts que d'autres dans ces questions-là. Il y a des ulama qui sont plus forts que d'autres dans l'ijtihad et dans les qiyas. Et dans les analogies, et dans le jugement, et dans la compréhension des preuves, et dans la présentation des preuves, et dans l'argumentation, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça rentre également parfois dans les karamates. Et c'est une sorte de ilm aussi, c'est une science. Sauf que cette science-là, c'est pas quelque chose qui est obtenu par l'apprentissage. C'est uniquement quelque chose que Allah Azza wa Jal peut donner à quelqu'un. Hein? Et c'est le résultat de l'obéissance à Allah et à son messager. Et de la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal va donner à quelqu'un al-furqan, c'est-à-dire le discernement. Comme il mentionne dans le verset 29 dans Surat Al-Anfal, « Ô vous qui avez cru, si vous vous préservez d'Allah, il vous donnera un discernement. » Si vous vous préservez d'Allah, c'est-à-dire en vous écartant de ce qu'il vous a interdit de faire et en faisant ce qu'il vous a ordonné, hein, par amour et par espoir en sa récompense et par crainte de son châtiment. Donc si vous faites ça, Allah Azza wa Jal, en retour, il vous donne un discernement par lequel vous serez capable de séparer entre le vrai et le faux et de distinguer entre le nuisible et le bénéfique, entre la guidance et l'égarement, entre la mécréance et la foi, entre la bid'a et la sunna et ainsi de suite, hein, le bien et le mal de façon générale. Et donc ça fait partie des plus grandes formes de science, et c'est justement ce discernement-là que Allah Azza wa Jal met dans le cœur du croyant à cause du fait qu'il se préserve d'Allah et qu'il a taqwa, hein, il se préserve d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça Allah il dit dans le verset, c'est dans Al-Anfal, le verset 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Parmi les exemples également, Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné, Ibn Taymiyyah, il a mentionné d'autres catégories, et Cheikh Al-Fawzan, il explique ces catégories-là également. Il dit, وَهَذِهِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ, c'est-à-dire, il y a des choses qu'un être humain ordinaire n'est pas capable de faire. Hein? Quelqu'un ne peut pas les faire. C'est seulement si Allah Azza wa Jal le permet. C'est quelque chose de surnaturel que Allah Azza wa Jal permet à certains serviteurs comme karama, et à ce moment-là, il sera capable de le faire. Et il donne donc des exemples. Il dit وَهَذِهِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ وَهَذِهِ إِنَّمَا يَجْرِيهِ اللَّهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ فَهِيَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ يَجْرِيهَ اللَّهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ يعني يخرق له العادة كأن يأتيه الرزق وهو لم يسع إليه وكما حصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يعني يؤتى به إليه وهذا خارق للعادة ومثل ما يجريه الله على يد بعض عباده المتقين من إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات وغير ذلك. وهذا لا يقدر عليه العبد، وإنما هذا من صنع الله، ولكن سببه تقوى الله عز وجل، وهو من جنس الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فهو ليس من مقدور العبد. ومن الخوارق الغنى، أن يغني الله العبد بعلمه وبماله وبمقدرته، ويغنيه الله عن غيره، وهذا من أنواع الخوارق. Donc le cheikh il explique et il dit et également donc il y a parmi les catégories des choses comme on a mentionné des choses surnaturelles que Allah Azza wa Jal donne à quelqu'un, c'est-à-dire que c'est des choses que personne ne peut faire excepté Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal qui va permettre ces choses-là de se produire pour un serviteur. Donc ça fait partie des actes d'Allah Azza wa Jal qu'il permet de faire en sorte que ces choses-là se réalisent par la main de son serviteur. Donc c'est des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal il fait que quelque chose hors norme ou bien surnaturel qui arrive. Comme par exemple quelqu'un qui n'a fait aucun effort et Allah Azza wa Jal lui donne une subsistance quelconque qui lui apparaît ou qui lui parvient sans qu'il ait fait aucun effort ou aucun travail pour l'obtenir ou sans qu'il ait rien fait du tout. Et ça c'est l'exemple de Maryam alayha salam, comme c'est mentionné dans le verset 37 dans sourate Al-Imran. Il mentionne dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il mentionne ce qui signifie à chaque fois que Zakaria entrait auprès d'elle dans l'endroit où elle s'était retirée pour adorer Allah Azza wa Jal, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Et on mentionne que parmi les exemples, on trouvait auprès d'elle par exemple des fruits ou quelque chose qui n'était pas en saison. C'est-à-dire que c'était pas la saison pour que quelqu'un ait par exemple ce genre de fruit à cette période-là, c'était pas la période de l'année. Et quand on lui posait la question, qui t'a donné ça? D'où est-ce que tu as trouvé ça? Et elle répondait, yani c'est Allah Azza wa Jal qui me l'a donné. Donc ça fait partie des choses surnaturelles, des karamat, des prodiges miraculeux qui peuvent arriver par la main de certaines personnes. Et Allah Azza wa Jal, il donne donc à certains de ses serviteurs rapprochés et pieux ce genre de choses, et il exauce leurs invocations. Et quand ils sont dans un besoin, un grand besoin, il vient à leur secours et à leur aide. Et ça, c'est des choses que personne ne peut faire excepté Allah Azza wa Jal. Une créature ne peut pas faire ça. C'est uniquement Allah Azza wa Jal qui peut faire ce genre de choses. Et c'est à cause de la piété d'un serviteur qu'est-ce qu'il a comme piété envers Allah Azza wa Jal. Et donc ça fait partie des rétributions et des récompenses que Allah peut donner à ses serviteurs. Et c'est en dehors des capacités d'un être humain de faire ce genre de choses. Parmi les exemples également de khawariq, des choses qui font partie des choses surnaturelles, parmi les prodiges miraculeux, il y a par exemple la richesse que Allah Azza wa Jal donne à son serviteur, que ce soit par exemple la science ou l'argent ou une capacité quelconque, un don qu'il donne. Allah Azza wa Jal, il enrichit ce serviteur de manière à ce qu'il n'ait plus besoin des autres. Et ça fait partie également parfois des khawariq, des choses surnaturelles. Ensuite, le cheikh il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وَجَمِعُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ لِعَبْدِهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ إِنْ اسْتَعَانَ بِهِ عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَيُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ وَيَرْفَعُ دَرَجَتَهُ وَيَأْمُرُهُ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. Donc le Cheikh il explique Ibn Taymiyyah rahimahullah que tout ce que Allah Azza wa Jal peut donner à son serviteur de ce genre de choses, et s'il l'utilise pour s'aider dans ce que Allah aime et dans ce qu'il a agréé, et dans ce qui le rapproche d'Allah et qui l'élève en degré, eh bien, si c'est dans les choses que Allah a ordonnées ainsi que son messager, eh bien, il ne va faire par cela qu'augmenter en élévation et en rapprochement d'Allah. Hein? Il dit, et son degré va être élevé. Son degré va être élevé. Il dit, et si il l'utilise pour s'aider à faire ce que Allah a interdit, ainsi que son messager, comme le shirk, comme le dhulm, l'injustice ou les turpitudes, eh bien, à ce moment-là, il va mériter pour cela le blâme et le châtiment. Et il dit, si Allah Azza wa Jal ne lui donne pas donc par la suite le succès de se repentir ou de faire des actes, des bonnes actions pour pouvoir effacer ce qu'il avait fait préalablement comme péché par rapport à ça, sinon il sera parmi les autres pécheurs comme lui. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, il dit « وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْفَوَارِقِ بَيْنَ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ الشَّيْطَانِ أَنَّ الْكَرَامَةَ الَّتِي يَجْرِيهَا اللَّهُ عَلَى يَدِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيَعْنِي تُقَوِّي إِيمَانَهُ وَيَقِينَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِخِلَافِ الْخَوَارِقِ الشَّيْطَانِيَةِ فَإِنَّهَا تُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى الْكُفْرِ وَعَلَى الشِّرْكِ وَعَلَى الْمَعَاصِي وَالْكَرَامَاتُ تُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْخَوَارِقُ الشَّيْطَانِيَةُ تُعِينُ عَلَى الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وفعل الفواحش والمعاصي وأيضا الكرامات تزيد صاحبها تواضعا لله عز وجل وللخلق فلا يترفع بها أو تجري على يده لا يترفع بها ويعجب بنفسه وإنما تزيده تواضعا لله عز وجل وتواضعا مع الخلق بخلاف الخوارق الشيطانية فإنها تزيد الإنسان غلوا وإعجابا بنفسه وطغيانا وهذا من الفوارق. Donc le Cheikh il dit وهذا أيضا, donc il dit ici il y a des distinctions et des différences entre les prodiges miraculeux et les choses surnaturelles qui viennent du Shaytan. Donc les karamates que Allah Azza wa Jal permet de se produire de la part d'un de ses serviteurs croyants et qu'il l'utilise dans l'obéissance d'Allah, ça va augmenter sa foi et ça va augmenter sa conviction en Allah Azza wa Jal, contrairement aux actes, aux choses surnaturelles qui sont d'origine diabolique. Elles n'aident pas le serviteur à autre que à yani, la mécréance, et elles n'aident le serviteur qu'au shirk et qu'à la désobéissance. Tandis que les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah, elles aident le serviteur à faire des bonnes œuvres, et tandis que les actes surnaturels qui sont d'origine diabolique, elles aident uniquement le serviteur au kufr, au shirk, à faire la turpitude et les péchés. Également, les actes, les prodiges miraculeux surnaturels qui viennent d'Allah, elles augmentent le serviteur en humilité vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des créatures. Il ne va pas s'élever à cause de ces prodiges-là. Il ne va pas s'élever ou être ébloui par lui-même et être fier de ça. Au contraire, il va devenir encore plus modeste envers Allah et encore plus modeste envers les créatures. Et contrairement aux choses surnaturelles diaboliques qui ne font augmenter une personne qu'en extravagance et en fierté et en le fait d'être transgresseur et d'être ébloui par sa propre personne et d'être extrême. Donc ça, c'est parmi les distinctions qu'il y a entre les deux. Et il donne d'autres exemples aussi. Il dit « Wahada » يعني l'exemple de ceux qui utilisent les karamates l'exemple de ceux qui utilisent les actes surnaturels qu'ils font, les choses qu'ils sont capables de faire, qui sont surnaturelles, ils les utilisent pour faire des choses haram, comme le shirk ou l'injustice ou les péchés. Et bien ça, c'est comme le cheikh il dit, « وَهَذَا مِنَ الْفَوَارِقِ بَيْنَ الْكَرَامَاتِ وَالْخَوَارِقِ الشَّيْطَانِيَةِ إِذَا اغْتَرَّ بِهَا إِذَا اغْتَرَّ بِهَذِهِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ اغْتَرَّ بِهَا إِسْتَعْمَلَهَا فِي مَا يُغْضِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَأَهْلَكَهُ وَأَهْلَكَتْهُ يعني صارت سببا في هلاكه إلا أن يتوب إلى الله فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور وهذا الإعجاب والطيش تاب الله عليه وصارت في حقه نعمة أو تكون له أعمال صالحة يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وإلا كان كأمثاله من المذنبين يعني تعرض للعقوبة. Donc le cheikh explique encore une fois que ça c'est un autre exemple de discernement et de distinction entre les prodiges miraculeux qui viennent d'Allah et les actes surnaturels diaboliques. Parce qu'il dit, les gens qui font ça et qui utilisent ça pour faire des péchés, beaucoup d'entre eux, ils se laissent tromper par ces choses-là. Hein, ils se laissent tromper par ces choses-là et ils sont trompés par cela et ils les utilisent dans ce qui met Allah en colère. Et à cause de ça, ces choses-là le font périr. Elles sont la cause de sa perte. Et excepté si la personne accepte de se repentir à Allah. Hein? Alors à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va accepter sa repentance hein? S'il revient de cette tromperie hein? Et s'il cesse d'être ébloui par lui-même et d'être fier et d'être dans l'excès hein? Dans l'extravagance. Il dit s'il se repent sincèrement, eh bien Allah Azza wa Jal acceptera sa repentance hein? Et à ce moment-là, ça deviendra pour lui une grâce. Hein? Ou bien, il aura fait des bonnes œuvres qui vont effacer, ou par lesquelles Allah Azza wa Jal va effacer les choses qu'il a faites qui sont en contradiction avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, le cheikh explique que les œuvres qui sont bonnes, elles effacent les mauvaises. Comme Allah Azza wa Jal il le mentionne dans le verset 114 dans sourate Hud quand il dit innal hasanat yudhibna sayiat, les bonnes œuvres elles effacent les mauvaises. Et le verset également pas le verset mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ittaqillah haythuma kunt wa atbi'i sayiata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. La partie du hadith ici que le cheikh a cité, c'est « Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha ». C'est-à-dire, fais suivre le péché hein, par la bonne action. Hein? C'est-à-dire, si tu fais suivre le péché par la bonne action, eh bien, la bonne action va effacer le péché. Et s'il ne se repent pas, eh bien, il sera comme les autres parmi les pécheurs, c'est-à-dire qu'il sera sous la menace du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وكثير ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة وتارة ينزل إلى درجة الفساق والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, il dit, et c'est pour cette raison là que souvent les gens qui ont ce genre d'actes surnaturels c'est possible que parfois ils en soient privés, dans le sens qu'Allah leur retire ce don-là qu'ils avaient. Et donc, soit par exemple, si c'était une propriété qu'ils avaient, Allah leur enlève cette propriété, elle leur est retirée, ou bien si c'est une science, hein, que c'était la personne, c'était un savant, Allah lui enlève sa science, ou bien si la personne, c'était quelqu'un qui faisait des actes surérogatoires, Allah leur retire ces actes, hein, par lesquels ils étaient dans une proximité particulière vis-à-vis d'Allah. Ils tombent de cette proximité particulière à une proximité ordinaire, comme le reste des musulmans. Et parfois, ils peuvent même tomber plus bas que ça et se rendre au niveau des pécheurs, hein, et des pervers. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ceci. Il dit, « يعني, إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي فقد عرضها لأن تسلب منه وتمنع منه عقوبة له أو أنها تسلب منه كمال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة فهذه أنقص والولاية العامة والولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة وعلى كل حال تصرفات هذا العبد فيما أعطاه الله من الكرامة إذا استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإيمانا وإن استعملها في معصية فقد عرضها إما للزوال وإما للنقص. Donc le cheikh il explique que donc celui qui utilise les choses surnaturelles qu'il est capable de faire ou les dons surnaturels qu'il a ou les dons particuliers ou extraordinaires qu'il a pour faire des péchés et de la désobéissance, eh bien, il risque de perdre ces dons-là, hein, et ces capacités-là, et en être empêché comme punition pour lui. Donc, ça veut dire que, au lieu d'être un wali d'Allah qui était rapproché de façon particulière d'Allah, il va devenir un musulman ordinaire, c'est-à-dire qui a une proximité générale, comme le reste des musulmans, c'est-à-dire que ce degré-là, c'est un degré plus bas que yani, la proximité particulière à l'Walayat al-Khass. Et il dit, de toute façon, yani, le serviteur, hein, Allah Azza wa Jal, s'il lui avait donné ce genre de prodiges miraculeux et qu'il les utilise pour obéir à Allah, Allah l'élèvera avec ça. Il va lui augmenter en foi à cause de ça. Toutefois, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il les utilise dans le péché, eh bien, il risque de perdre ça. Et il risque de descendre, hein, de degré. Et il dit ensuite qu'il peut même descendre plus bas que ça, c'est-à-dire, Cheikh, il dit, يعني حسب ما يريده الله عز وجل بحكمته في عقوبة هذا الإنسان فإما أن يسلبه الكرامة وإما أن تنقص كرامته وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق نسأل الله العافية وهذا وهكذا سائر النعم التي ينعم الله بها على العبد إذا استعمل النعمة في طاعة الله يعني وشكر الله عليها زادها الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد فالكرامة نعمة من أعظم النعم تحتاج إلى شكر فإذا لم تشكر تعرضت للزوال أو للنقص. Donc le cheikh il explique un point important ici. Il explique que selon ce que Allah Azza wa Jal, donc selon ce que Allah a voulu, selon sa sagesse, il va punir cette personne, hein? Il va punir cette personne qui a reçu ce don de faire des prodiges miraculeux ou qui a reçu un don quelconque, hein, par lequel Allah l'a honoré. Et lui, il l'utilise dans le péché. Alors, soit il va baisser dans sa foi et dans son degré qu'il a de proximité avec Allah. Et même que c'est possible qu'il passe d'être un serviteur obéissant à un serviteur pécheur et un pervers. Hein? Donc le cheikh il dit que c'est la même chose pour toutes les grâces que Allah donne à quelqu'un. Si il utilise cette grâce dans l'obéissance d'Allah et qu'il est reconnaissant pour cette grâce, Allah Azza wa Jal l'augmente. Hein? Il va lui augmenter. Comme Allah il le mentionne dans le verset 7, dans Sourate Ibrahim, Allah Azza wa Jal, il mentionne cet exemple-là. Il dit, on va lire le verset, « Et lorsque votre Seigneur proclama, et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes grâces pour vous. Mais si vous êtes ingrat, hein, vous n'êtes pas reconnaissant, eh bien mon châtiment sera terrible. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a ce genre de don, de karama, hein, ça c'est une grande ni'ma parmi les grâces que Allah a données à cette personne, et elle nécessite, hein, elle a besoin de reconnaissance. Si elle n'est pas reconnue, et si on n'a pas remercié Allah Azza wa Jal, pas seulement avec la bouche, mais reconnaissant envers Allah par nos œuvres et par nos actions, par notre obéissance, hein, par notre application de nos devoirs envers Allah, eh bien, si on n'est pas reconnaissant de cette façon, Allah risque de soit nous l'enlever complètement, cette grâce, ou soit de yani, nous faire diminuer, hein, dans notre grâce. Allah al-musta'an. Ensuite, il dit encore pire que ça. Il dit wa taratan yartaddu 'an al-islam wal 'iyadhu billah wa hadha yakunu fi man lahu khawariq shaytaniyah. Il dit que parfois Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ça peut même l'amener à apostasier de l'islam, à quitter l'islam wal 'iyadhu billah. Et il dit ça c'est surtout pour la personne qui a des yani les actes surnaturels qui sont d'origine diabolique. Naam. Et donc le cheikh il explique ça, il dit wa hadha ashad wal 'iyadhu billah yani taratan yartaddu 'an al-islam fayasiru kafiran wa hadha khatar 'azim in al-muslim yajibu 'alayhi an yattaqi Allah fima 'ataahu Allah. Wa 'alaykum assalam wa rahmatullah. فيما أعطاه الله عز وجل ويحافظ عليه ولا يكون سببا في هلاكه وهذا يكون في من له خوارق شيطانية بأن يتحول من كونه صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق الشيطان فيرتد عن الإسلام فيتحول من كونه وليا لله إلى كونه وليا للشيطان فهذا كله مما يوجب على العبد من أن ومن أعطي كرامة من الكرامات الحذر من الغرور والانخداع ويعتبر هذا ابتلاء وامتحانا له من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que يعني ça c'est يعني encore plus grave que qu'est-ce qu'on a mentionné précédemment. C'est-à-dire que Allah nous préserve que la personne, elle apostasie de l'islam. C'est-à-dire qu'elle quitte l'islam et elle devient kafir, devient mécréante. Et ça, c'est quelque chose de plus grave et plus dangereux encore. Il dit parce que le musulman, il a l'obligation de se préserver d'Allah dans ce que Allah lui a ordonné. Hein? Et dans ce que Allah lui a donné. Et de préserver... Hein, ce que Allah lui a ordonné de préserver comme prescription, comme obligation, comme prescription religieuse. Et sinon, hein, ça, comme s'il a reçu, alaykoum salam, si elle a reçu un don ou un prodige quelconque ou un don que Allah lui a fait, une grâce spécifique, eh bien, s'il ne l'utilise pas dans l'obéissance d'Allah, ça peut devenir la cause de sa perte. Il dit peut-être que la personne, cette personne-là, elle va commencer à faire des actes diaboliques. Donc, elle était une personne qui avait des prodiges miraculeux. Et puis, hein, elle a commencé par la suite à faire des choses diaboliques. Et par conséquent, elle a apostasié de l'islam. Et elle est donc passée du fait d'être un serviteur rapproché d'Allah pour devenir un allié du diable. Wal'iyadhu billah. Et donc le cheikh il dit tout ça, c'est ce qui doit amener le serviteur, hein, celui qui a reçu un prodige miraculeux parmi les prodiges, ou bien un don, ou un don quelconque, d'être encore plus sur ses gardes, de ne pas se laisser tromper, et de ne pas se laisser dévier, hein, et de considérer que cette karama, que ce prodige miraculeux qu'il a reçu d'Allah est une épreuve et un test pour lui, que Allah lui donne. Et non pas de s'en prendre, de penser que ça c'est quelque chose dont il doit être fier et que ça le pousse à commencer à transgresser les limites et puis à dépasser les limites d'Allah et commencer à utiliser ça dans la désobéissance d'Allah au lieu de l'utiliser dans le bien. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. Bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.